Kikili Watch. Kikili Watch. Kikili Watch. Kikili Watch. Kikili Watch. Kikili Watch. Watch, watch, watch. Deyongken deyaba. Aria chalma, chalma, pony watch. Aria chalma, chalma, pony watch. Kikili, kikili, kikili, kikili watch, watch, watch, watch. Deyongken deyaba. Aria chalma, chalma, pony watch. Aria chalma, chalma, pony watch. Mince, elle ressemblait à un bâton. Oh, oh. Elle fit une cure sans demi-mesure. Elle est plus ronde qu'un ballon. Buvons, buvons, buvons le sirop typhon, typhon, typhon, universel, panacée, eh, eh, à la cuillère ou bien dans un verre, rien ne pourra. Monsieur le maire avait des misères. Dans ses discours, il bégayait. Un petit verre lui fut salutaire. Il ne bégayait plus car il aimait. Monsieur Léon, si gentil et si rond, patapon, patapon, ne gagnait jamais au tiercé. Une cure sévère lui fut salutaire. Il est gagnant, mais comme joker. Buvons, buvons, buvons le sirop typhon, typhon, typhon, universel, panacée, eh, eh, à la cuillère, ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Le vieux Pierre était célibataire et voulait le rester. Il a 10 femmes et 30 enfants. Dans le village, tous les enfants sages, écoutant les cloches sonner.

just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I'll break down and cry. Walk on by. Somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody new. Can you live without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. 'Cause I'll just say we've never met. If I'm that easy to forget. Am I that easy to fall?

ba ha ma go le ba ha ke ze be le ba sung le ba ha ha ha kiss for me, there's nobody kiss for me. I'm so sad and lonely. Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Won't some sweet mama come and rescue me? 'Cause I ain't so bad. And I sing up. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin. Mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui. Alors que toi, tu es bien vivant et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on le mettra dans ton. Nostalgie 60, la radio de vos années préférées. Nostalgie. Every evening, when all my dishes were consumed, I call my baby, ask her what she would do. I met some movies, but she don't seem to be getting. And then she asks me, why don't I come to her flat and have some supper and let the evening pass by. I'm digging records, this kind of groovy hi-fi. I say, yeah, yeah, and that's what I say. I say, yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. She loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer, the only thing I can say. I say, yeah, yeah, that's what I say, yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the night can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pretty baby, I never need you to thrill. It's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say yeah yeah. That's what I say yeah yeah. And turn the lights down low so the night can see. We gotta do that, we gotta do that, yeah, yeah. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. You're pretty baby, I never knew such a thrill. I should have told you because I'm trembling slow. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say yeah yeah. That's what I say yeah yeah. That's what I say yeah Tu veux pas, tu veux c'est bien, si tu veux pas tant pis. Si tu veux pas j'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique. Y a du mauvais. Tu veux, tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en fais pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce. À condition que tu la pousses dans la bonne. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens à la maison, tu veux ou tu veux pas? Hein? Eh bien, moi, je veux plus. là là. La décennie de vos plus beaux moments.

À écouter sur nostalgie.be. Nostalgie. Je sais, tout est fini. J'ai perdu ta confiance. Néanmoins, je te prie de m'accorder ma chance. Si devant mon remords, tu restes indifférente, on ne peut te donner tort. Mais sois donc indulgente au nom des joies que nous avons vécues, au nom de l'amour que nous croyons perdu. Sans toi, ma vie, le temps est si lourd, les heures et les jours sombres sans espoir, sans toi, mamie. Et leur air ingénu nous torture et nous hante. Aussi je viens vers toi pour te confier ma voile. Toi, tu me guideras. Tu es ma bonne étoile. Sans toi, ma mie, les heures et les jours sombres sans espoir, sans toi, mamie. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus les lèvres tendres, les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leur frisson. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure,

tambourine.

in front of you. Lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille, et te voilà, et me voici, moi, moi j'ai 30 ans, toi, 6 mois. On est nés à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles, j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile, de la brude gagnée à la blonde perdue. Cécile, ma fille, et je sais que bientôt, toi aussi tu auras des idées, et puis des idylles, des mots doux sur tes peaux, et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille, moi je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit, mais au matin c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille. Écoutez Nostalgie à tout moment sur sa tablette ou sur son smartphone, c'est simple. Téléchargez l'application mobile Nostalgie Belgique et profitez de votre musique préférée à chaque instant. Écoutez Nostalgie à tout moment sur sa tablette ou son smartphone, c'est simple. Branchez-vous sur notre site nostalgie.be ou téléchargez l'application mobile Nostalgie Belgique. Une furieuse envie de chanter Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie 60.

Don't try to spare my feelings. Just tell me that we're through. Very hard to do. And if the way I hold you can't compare to her caress, no words of consolation will make me miss you less. Start crying too, and make it easy on yourself. Make it easy on yourself. 'Cause breaking up, it's so very hard to do. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Nostalgie. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your me laugh, she makes me

I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. La fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer. Il a commencé doucement sur la plage par un baiser. Le soleil est plus pâle, mais nos deux corps sont bronzés. Vois-tu qu'après un long hiver, notre amour aura changé. Quand vient la fin de l'été, la décennie de vos plus beaux moments. Nostalgie. I door. Although you are through, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Sous le sol.

you in my life. Everything was just a bone. All the things I did, things I did before. But you brighten up all my days with a love so sweet in so many ways. I won't stop. Pas tout de suite.